que la femme t'ait existé. Même seul te suffit pour t'aimer. Mais la Sabine Rivet, tout ça effacé. La vie faut en espérer. Pour faire mon amour avec patience. Le samouraï que au terrain même tout bon. Mais la Sabine Rivet, ça sent illusion. Mais chérie, mais pour qui s'en fait ça, pour ça. C'est le samouraï qui au terrain même tout bon. Mais le Sabine Rivet, ça sent illusion. Mais chérie, mais pour qui s'en fait ça, comme ça.